Léonce Vitariho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Ils sont en tout au nombre de 7, les nouveaux ambassadeurs qui ont présenté la semaine dernière leur lettre de créance au président de la République du Burundi. Les pays qui renouvellent leur représentation sont notamment les États-Unis, la France, la Belgique et l'Union européenne qui promettent de redynamiser les relations entre le Burundi et les pays représentés. Dans ce journal, vous entendrez le porte-parole adjoint de la présidence de la République. 8 vaches ont été volées dans la nuit de dimanche à Kagwema, c'est dans la commune Gihanga en province de Ouanza. Et à Ouanza encore, les activités ont été paralysées ce lundi au lycée de Ouanza. Les éducateurs demandent que leur sécurité soit garantie. À l'origine, une des encadreuses a été sommée de sortir de la maison de l'école par des gens venus de l'extérieur. Et en international, un deuil national de 24 heures a été décrété ce lundi au Cameroun en mémoire des victimes de l'accident suite à un déraillement d'un train qui a fait 75 morts et des centaines de blessés. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 7 pays dont les États-Unis, la France, le Royaume de Belgique, la Hollande et la délégation de l'Union européenne ont renouvelé la semaine dernière leur représentation au Burundi. De nouveaux ambassadeurs de ces pays ont déposé leur lettre de créance le jeudi 21 octobre. Jean-Claude Karegua, le porte-parole adjoint de la présidence de la République, fait savoir que les prédécesseurs de ces ambassadeurs avaient terminé leur mandat. Il ajoute que cela a été une occasion pour le président burundais d'échanger sur les relations entre le Burundi et les pays représentés. Ces nouveaux ambassadeurs ont promis de redynamiser ces relations, selon encore Jean-Claude Karegua, que je vous prie de suivre. Le chef de l'État a saisi cette opportunité pour leur faire part des attentes du gouvernement et du peuple burundais qui attendent ces nouveaux diplomates, des ambassadeurs capables de défendre les intérêts des pays accréditaires sans toutefois nuire aux intérêts du pays hôte. Les nouveaux ambassadeurs arrivent au moment où il y avait des relations qui ne sont pas assez bonnes entre certains pays européens et le gouvernement du Burundi. Est-ce que ces nouvelles représentations s'inscrivent dans le cadre de la renormalisation des relations entre ces pays et le Burundi? Le renouvellement de ces relations diplomatiques s'inscrit avant tout dans une logique de continuité. Quand les fonctions de l'ambassadeur viennent à terme, il est remplacé si le pays veut renouveler ses relations avec le pays hôte. Donc les relations diplomatiques sont renouvelées. Ça c'est de un. De deux, à entendre les dires des différents diplomates, il y a un sentiment que tous ces pays veulent s'inscrire dans une nouvelle dynamique de changement positif par rapport aux relations avec le Burundi. Les différents ambassadeurs, ils réitéraient leur détermination à consentir tous les efforts pour redynamiser les relations entre le Burundi et les pays respectifs. Jean-Claude Karegua a été joint au téléphone par Joseph Nsabiyabandi. Les communes pourront gagner leur budget jusqu'au 10 décembre de cette année, comme le confirme Jean-Claude Ndouimana, directeur général du Fonds national des investissements communaux, FONIC en sigle. Il signale également que toutes les communes, sauf celles de la mairie de Bujumbura, qui sont un peu en arrière, ont déjà bénéficié de la première tranche pour le démarrage de leurs travaux de développement. Suivez Jean-Claude Ndouimana. Au micro de Grâce Nyonzima. La loi budgétaire exercice 2016 prévoyait en son article 21 que les communes vont bénéficier de cet argent pour les investissements communaux suivant la capacité d'absorption de chaque commune. C'est-à-dire que pour le moment, qu'ils sont au niveau de l'état de démarrage et d'exécution des projets, l'argent est décaissé selon l'étape des travaux. Toutes les communes, sauf celles de la mairie de Bujumbura, qui sont un peu en arrière, mais elles aussi sont déjà avancées. Elles ont déjà bénéficié de la première tranche pour le démarrage des travaux. Il reste 2 mois pour que l'année s'achève. Quel est le sort réservé pour les communes qui ne seront pas à mesure de terminer à temps leurs travaux? Logiquement, je suis confiant que toutes les communes vont pouvoir terminer les travaux dans les délais puisque généralement les marchés de travaux durent 3 mois. C'est-à-dire qu'à l'étape où nous sommes, et comme on a déjà sollicité une dérogation au niveau du ministère des Finances et de la privatisation, laquelle a été accordée, c'est-à-dire que les communes pourront engager leur budget jusqu'au 10 décembre, contrairement à ce qui se faisait, c'est-à-dire que les communes n'étaient pas autorisées à engager les dépenses au-delà du 31 octobre de chaque exercice. Une réunion ordinaire de la force en attente de la communauté est-africaine se tient à partir de ce lundi à Bujumbura, la capitale burundaise. Les activités vont durer jusqu'au vendredi 28 octobre, selon Nancy Ismaël, qui est le directeur au secrétariat de la force en attente de l'EAC. Cette réunion va couvrir un ensemble de points portant sur la mise en œuvre de la décision prise par le Conseil des ministres qui s'est tenue à Seychelles en avril dernier. Le tribunal de grande instance à Bururi a siégé ce lundi matin sur un dossier de flagrance en matière pénale. Deux accusations contre un certain Kanungeko Gérard de la commune Mugamba en province de Bururi, dont celle de détenir illégalement des armes. L'affaire a été mise en délibéré. Reportage est signé Jean-Pierre Misago. Dans moins d'une quarantaine de minutes, à partir de 9h de ce lundi matin, le tribunal de grande instance de Bururi a siégé sur un dossier de flagrance. Le ministère public accusé Gérard Kanungeko, originaire de Gakaranga, en commune Mugamba, de deux infractions, celui de vol qualifié en utilisant des armes et celle de détention illégale d'armes. Gérard Kanungeko a reconnu ces infractions, ce qui a poussé le représentant du ministère public à demander qu'une peine de 25 ans de prison ferme lui soit infligée, se référant aux articles 262 du Code pénal burundais et 480 du Code pénal livre 2. Cette affaire a été mise en délibéré et le tribunal a jusqu'à 72 heures pour prononcer le jugement selon la loi. Gérard Kanungeko avait été capturé vivant à Mutobo dans Mugamba le matin du 12 octobre courant lors des affrontements qui ont opposé sa bande et les forces de l'ordre qui les accusaient de préparer une embuscade à des commerçants de vaches. Des affrontements au cœur desquels deux présumés bandits ont été tués, un pistolet saisi. Et le lendemain, Gérard Kanungeko a révélé où était caché un fusil de type Kalachnikov qu'ils utilisaient. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. En page sécurité, une vieille dame a été retrouvée morte chez elle dans l'après-midi de ce dimanche sur la colline Butazi. Nous sommes dans la commune Ndava en province de Mwaro. Des sources administratives indiquent que la vieille aurait été tuée par des inconnus qui ont également volé des biens se trouvant dans le ménage. Les détails, c'est avec Laurent Ndikulio depuis Mwaro. Cette vieille maman d'environ 70 ans, retrouvée morte chez elle vers 13h de l'après-midi de ce dimanche, s'appelait Kabundugu Marie. Elle résidait sur la colline Butazi de la commune Ndava en province Mwaro. Selon les informations que nous devons du conseiller de l'administrateur de la commune Ndava chargé du développement, Aaron Chimilimana, et confirmé par les autorités policières dans la province Mwaro, ceux qui ont tué cette vieille maman en lui faisant avaler de l'acide sont passés par l'arrière-cour de son enclos. La nouvelle a été connue quand son petit-fils, qui vivait seul avec cette vieille maman, est revenu du centre de santé où il était allé se faire soigner, accompagné par une voisine de cette famille. Ces malfaiteurs ont volé également 180 kg de haricots, ainsi qu'une somme d'argent non encore connue, avant de prendre le large d'après les mêmes sources. Les policiers travaillant dans la commune Ndava sont vite intervenus, mais ont trouvé ces malfaiteurs déjà partis. Le conseil de l'administrateur de la commune Ndava chargé du développement ainsi que le commissaire provincial de la police à Mwaro indiquent que les enquêtes ont déjà commencé pour identifier les responsables de son meurtre. Ils affirment en outre qu'à part cet incident, la sécurité était globalement bonne dans cette localité. De Mwaro, Laurent Dikuri, Radio Sanganilo. Merci Laurent. Une personne a été battue samedi dernier par certains des jeunes des comités de sécurité en majorité du parti au pouvoir en zone Maramza de la province de Bujumbura. Emmanuel Matata de la zone Gatumba et vice-président du conseil communal de Mutimbuzi dit qu'ils étaient en train de reconstruire une maison appartenant à une veuve, membre de leur association, et qu'il avait avisé l'administration à la base et dit être surpris qu'aucun jeune de ce groupe n'a été arrêté depuis ce jour. Suivez-le, il est au téléphone avec Placide Niomungere. Ce jour-là, nous sommes lundi vers Marandia. Nous avons vu le chef collinaire qui est le cinquième au niveau de la colline. Il est venu et il nous dit d'arrêter notre travail. Il m'a dit qu'il fallait l'informer bien avant, mais je lui ai dit que j'ai informé l'administrateur, aussi le chef de zone. Il a téléphoné le jeune chargé de la sécurité et disait « Vous êtes venu ici pour faire des travaux basés sur la politique ?» Et moi, je dis non. Si je fais l'analyse, je vois que les jeunes qui sont dans la sécurité, autant de nombres entre eux, ce sont des jeunes qui est basé au niveau du parti au pouvoir. Il m'avait premièrement tabassé au niveau du visage, et au niveau des épaules. Est-ce qu'il y aurait-il des jeunes qui ont été arrêtés jusqu'ici? Jusqu'à présent, aucune personne n'est déjà arrêtée. Je me suis vraiment étonné parce que même l'administrateur n'a rien dit jusqu'à présent. De son côté, l'administrateur de la commune Mutimbuzi, Damien Valindambi, ne donne pas beaucoup de détails, mais précise que des enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes. 8 vaches ont été volées dans la nuit de dimanche à lundi dans l'une des étables se trouvant sur la colline Kagwema de la commune Gianga en province de Ouanza. Le chef de colline fait savoir que les voleurs ont profité du sommet des veilleurs. Les mêmes veilleurs et les bergers qui se sont lancés ce lundi à la recherche de ces vaches dans la réserve naturelle de la Loukoko, proche de ses étables, mais aucune vache n'a été retrouvée jusqu'ici. Les activités ont été paralysées ce lundi au lycée de Ouanza. Les éducateurs de cet établissement demandent que leur sécurité soit garantie. C'est au moment où l'une des encadreuses a été sommée de sortir de la maison de l'école par des gens venus de l'extérieur. Tous ses vêtements et le matériel ménager ont été jetés dehors. Le directeur de l'école explique que le problème concernant les hommes était déjà résolu, qu'il restait seulement sa mise en application. Les précisions de Space Caritas. Tous les professeurs et les encadreurs du lycée Ouanza discutaient en petit groupe ce lundi matin devant le bureau du directeur de l'école et les élèves bavardaient dans les salles de classe. Ces encadreurs et professeurs nous ont signifié qu'ils réclament la sécurité et la dignité et déplorent ce qui est arrivé ce vendredi à l'une des encadreuses, Zeymana Micheline, s'est retrouvée en face d'un groupe d'hommes qui seraient des Imbonerakure. Certains noms ont été cités et lui ont obligé de sortir de la maison. Ils étaient accompagnés par l'économe de l'école. Ils ont alors jeté à l'extérieur tout ce qui se trouvait dans cette maison et l'économe l'a fermée, selon la victime, qui reste hébergée par ses collègues jusqu'aujourd'hui. Espérance Nyonzima, l'économe du lycée Bubanza, n'a pas voulu réagir à propos de l'incident et le directeur de l'école, qui déplore également les faits, nous a expliqué que le problème concernant la gestion des hommes de l'école était déjà résolu et qu'il restait seulement la mise en application. Pescaritas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à Space Caritas Kawanyana. Après une semaine d'enregistrement des candidats qui désirent entrer dans le corps de police nationale, très peu de jeunes se sont fait inscrire dans la province de Karoussi. Les agents de cette opération parlent de 12 candidats déjà enregistrés jusqu'ici dans la catégorie des candidats brigadiers, tous des garçons. Parmi les causes de ce manque d'engouement, ils citent le coût de papier exigé. Blaise et Pascal Kararoumier depuis Karoussi. Au cours de l'enregistrement des candidats qui désirent entrer dans le corps de police, seulement 48 candidats ont été enregistrés dans la province de Karoussi au cours de toute cette semaine. Ils sont constitués de 10 qui voudraient concourir pour entrer dans la catégorie des officiers, 12 dans la catégorie des sous-officiers et 26 autres ont été enregistrés dans les 7 communes de la province Karoussi pour la catégorie des agents. Les responsables de cette activité dans la province expliquent que ces jeunes gens sont venus goutte à goutte durant cette semaine écoulée suite à des difficultés de constitution de leur dossier, dont certains papiers sont difficiles à avoir, citant ainsi la déclaration qui n'est délivrée qu'à Bujumbura, mais aussi ils parlent du coût de tous les papiers exigés pour doter les jeunes gens. Les jeunes rencontrés parlent même de la hausse de prix, comme pour les attestations, qui seraient passées de 300 francs à 800 francs, voire même les vignettes qui s'y trouvent. Sur ce, à la commune de Bouhiga où nous avons été, les agents de la comptabilité nous ont expliqué que les 500 francs sont pour la saisie ou la dactylographie et qu'il s'agit là de la décision du conseil communal. Pour le papier médical et attestation d'aptitude physique qui est délivré par un médecin du gouvernement, au niveau de l'hôpital du chef-lieu de la province, le directeur administratif et financier explique qu'il n'y a pas eu montée et que ce papier est toujours acheté à 1500 francs, alors que ces jeunes parlent de 15 500 francs qui est exigé. Ces jeunes expliquent que les 14 000 francs sont achetés pour qu'il y ait examen de groupe sanguin. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumier pour la radio Isanganiro. En actualité internationale, juste avant la chronique sportive de ce journal, un deuil national de 24 heures a été décrété ce lundi au Cameroun en mémoire des victimes de l'accident suite à un déraillement d'un train qui a fait 75 morts et des centaines de blessés. En Somalie, une explosion a fait un mort près d'un camp de déplacés à Mogadiscio, la capitale, et en Angola. Les ministres des Affaires étrangères se réunissent aujourd'hui lundi pour préparer le sommet des chefs d'État prévu mercredi. Pour plus de détails. L'Angola accueille à partir de ce lundi une réunion de ministres des Affaires étrangères des Grands Lacs. L'objectif est de préparer le sommet des chefs d'État qui s'ouvre ce mercredi dans la capitale angolaise et qui doit se pencher sur le cas de la République démocratique du Congo. Comme on peut le lire sur le site de la RFI, cette réunion était prévue de longue date, mais les heures de mi-septembre, tout comme la difficulté à ce que les acteurs politiques congolais trouvent un accord acceptable par tous sur les élections, donnent un sens particulier à ce sommet des chefs d'État. Néanmoins, pour le ministre des Affaires étrangères angolais, ce sommet ne va pas servir à remettre en question le contenu de l'accord politique tel qu'il a été conclu à Kinshasa la semaine dernière. Selon lui, il n'y aura pas de nouvelle date des élections comme le demandent les poids lourds de l'opposition. Au Cameroun, une journée de deuil national a été décrétée ce lundi après le déraillement du train vendredi dernier. Jeune Afrique écrit que le bilan, encore incertain, n'a cessé de s'alourdir. Alors que la télévision nationale évoquait initialement un bilan d'au moins 60 morts et plus de 600 blessés, l'agence de presse britannique Reuters évoque pour sa part au moins 75 morts. Face à l'ampleur de la catastrophe, le président camerounais a décrété qu'une journée de deuil national en mémoire des victimes sera observée ce lundi. Terminons ce tour d'horizon en Somalie, où il y a eu au moins un mort et deux blessés dans l'explosion d'une voiture piégée ce dimanche près du camp de déplacés à Mogadiscio, selon la police somalienne. Comme on peut le lire sur le site d'Africa News, l'attentat n'a pas été revendiqué, mais le mode opératoire est identique à celui utilisé par les islamistes Al-Shabaab, affiliés à Al-Qaïda, qui ont l'habitude de mener de telles opérations dans Mogadiscio. La Somalie est censée organiser dans quelques semaines des élections qui mettront en place un nouveau président d'ici le 30 novembre. Radio Isanganiro Chronique. Pour avoir beaucoup d'athlètes qui représentent le Burundi dans les compétitions internationales, il faut qu'il y ait des techniciens qui doivent détecter ces talents dès le bas âge. C'est l'avis du vice-président du Comité national olympique, CENO en sigle. Salvatore Bigirimana le dit au moment où il ne restait que 2 ans avant l'Olympiade des Jeux africains entre les jeunes prévus en Algérie en 2018. Les détails, c'est dans cette chronique sportive de ce lundi avec Evariste Nzikobanyang. Le choix d'un athlète qui a de bons talents est détecté à bas âge et on doit le laisser jouer tous les jeux pour qu'il lui-même fasse un choix ou que celui qui le suit de près l'aide à faire le choix d'un sport qu'il préfère. Salvatore Grimana, vice-président du Comité national olympique, indique que cette détection n'a jamais eu lieu au Burundi, faute de centre de détection des jeunes talents. Les athlètes que nous avons au Burundi et qui représentent le pays dans des compétitions internationales ne sont détectés que pendant les tournois organisés par des clubs, ajoute Salvatore Vigirimana. Voyez, comme si on va dans la forêt d'Oteza, il y a des arbres qui prennent la hauteur et qui sont au-dessus des autres. Voilà, je me permets de faire cette comparaison-là. Mais il y a quand même de petites compétitions. Ces enfants, on les remarque dans de telles compétitions. Alors que s'il y avait une bonne détection, un enfant qui est talentueux ne doit pas être nécessairement le meilleur. Il peut être deuxième, cinquième, etc. Mais disposer de beaucoup de talent pour l'avenir. Et il faut l'œil d'un spécialiste pour le détecter. Et je crois que dans divers sports, ici, on est encore loin du compte par rapport à ça. Évidemment, il y a toujours un meilleur et c'est à partir des meilleurs là que voilà, on voit que tel ou tel autre enfant, s'il est bien préparé, il peut aller loin. Le ministère en charge du sport est l'un des acteurs qui devrait tout faire pour développer le sport et le sportif. Le vice-président du Comité national olympique explique le rôle de ce dernier dans tout cela. Le CENO intervient dans 3 secteurs. Le secteur d'assistance aux jeunes qui se démarque déjà, où voilà, on fait un dossier pour la solidarité olympique, pour dire que si cet enfant est assisté, il peut faire mieux. Voilà, il rentre dans la compétition de dossier avec les autres jeunes du monde entier. Le deuxième axe d'intervention, c'est pour la formation des entraîneurs. De commun accord avec les fédérations sportives, nous avons maintenant 4 formations de masse, entre 25 jusqu'à 40 entraîneurs, on en a 4. Troisième axe, c'est pour la formation pour administration du sport, qui sont des formations destinées aux dirigeants sportifs. Il est prévu en Algérie en 2018 les Jeux africains entre les jeunes et à 2 ans de cette compétition, le vice-président du Comité national olympique demande aux intervenants à la matière de préparer en conséquence les athlètes qui vont participer. Évariste Nzikobanyanga. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana pour la parfaite collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.